J'écoutais parler Hippolyte sans pouvoir l'interrompre, sans pouvoir glisser un mot. L'idée qu'Aglaïa Ivanovna voulait rencontrer Nastassia Philippovna me remplissait d'horreur. Vous n'inventez rien, Hippolyte ? Aglaïa Ivanovna a vraiment l'intention de se rendre chez Nastassia Philippovna ? Vraiment, prince. Ce soir, elle ira voir cette catin. Là-dessus, au revoir. Dans l'autre monde, sans doute. Cependant, encore une chose. Bien que j'ai agi lâchement à l'égard d'Aglaïa Ivanovna, je ne me sens pas coupable envers elle, ni envers vous d'ailleurs. Si je lui ai parlé de ses restes et de la honte qu'elle devrait éprouver à disputer les soupirants d'une putain, par contre, je l'ai aidée à fixer ce rendez-vous qu'elle souhaitait. Si j'ai cherché à dégoûter Aglaïa Ivanovna de vous, en revanche, je viens vous communiquer l'heure et le lieu de la rencontre de ces deux femmes, vous permettant ainsi de découvrir leur jeu caché. Cette dernière chose, je l'ai faite par dépit, évidemment, et non par grandeur d'âme. Car imaginez-vous que moi, un moribond, je caressais jusqu'à ce matin un espoir insensé. Oui, je croyais pouvoir me faire aimer d'Aglaïa Ivanovna. Je me trompais grossièrement, bien entendu. Aglaïa Ivanovna n'éprouve pour moi que de la pitié. Lorsqu'après l'avoir supplié de renoncer à son dernier rendez-vous avec Nastassia Philippovna, je lui ai déclaré ma flamme, elle m'a abreuvé de sarcasme et m'a brutalement repoussé. Voilà. C'est tout. Et maintenant, je m'en vais. Non, ne vous en allez pas, Hippolyte. Pas encore. Dites-moi d'abord si vous aimez vraiment Aglaïa Ivanovna. J'aime Aglaïa Ivanovna. Et mon amour pour elle est d'autant plus violent et plus désespéré que je sais qu'il ne me reste que quelques semaines, peut-être quelques jours à vivre. Mais je suis bavard comme une femme. Ou comme un ftizi. Je m'en vais. Pour de bon, cette fois. Prenez vos précautions. Et tout de suite, si vous voulez être un homme. Empêchez ce funeste rendez-vous entre Aglaïa Ivanovna et cette catin de Nastassia Philippovna. Adieu, prince. Aglaïa parut sur la terrasse à 8h30. Elle était simplement vêtue. Les traits de son visage ne reflétaient rien, mais ses yeux brillaient d'un éclat sec. Je ne lui avais jamais connu cet air détaché, lointain. Elle m'examina avec froideur. Comme je vois, prince, vous êtes prêt. Vous vous êtes habillé et vous tenez votre chapeau à la main. Quelqu'un vous a prévenu sans doute que nous devions sortir. Oui, Aglaïa. Hippolyte est venu me voir il y a à peine une heure. Partons alors. Vous avez assez de force pour m'accompagner, n'est-ce pas ? Oui, j'en ai assez. C'est impossible. Je refuse de participer à cette extravagance, à cette folie. Préférez-vous que je me rende seule chez Nastassia Philippovna ? Oh non, de grâce ! N'allez pas seule chez cette femme. Vous ne savez pas à quoi vous vous exposez. Vous vous trompez, prince. Je le sais exactement. Et c'est pour cela que je vous prie de m'accompagner. Mais si c'est trop vous demander, j'irai seule, je vous l'ai déjà dit. Alors je vous suis. Pendant qu'une calèche nous amenait vers la demeure de Nastassia Philippovna, je tentais une dernière fois de dissuader Aglaïa de rencontrer sa rivale. Pour toute réponse, Aglaïa haussa seulement les épaules. Et je me sentis vraiment misérable. Venez. Il n'y a personne dans la maison, sauf Nastassia Philippovna et moi-même. Nastassia Philippovna nous attendait dans la première pièce. Elle aussi était vêtue simplement en noir. Elle se leva pour nous recevoir, mais elle ne sourit pas et ne tendit pas la main. Aglaïa Ivanovna et Nastassia Philippovna, après une courte hésitation, s'assirent loin l'une de l'autre. Rogojine et moi nous restâmes debout. Personne d'abord ne prononça une parole. Ce silence ne dura que quelques minutes, mais ces minutes parurent des siècles. Puis le visage de Nastassia Philippovna devint haineux. Elle se mordit la lèvre. Aglaïa, indifférente, continuait à parcourir la chambre du regard. Cependant, à un moment donné, ses traits prirent une expression de dégoût, comme si elle craignait de se salir. D'un geste machinal, elle arrangea sa robe et recula sur son siège. Aglaé ne semblait pas se rendre compte de ses propres mouvements, et son inconscience ne faisait que souligner l'outrage qu'elle infligeait à Nastassia Philipovna. Mais ce qui devait arriver, arriva. Aglaé rompit la première le lourd silence qui pesait sur nous tous. Vous devez certainement savoir pourquoi je suis venue chez vous. Non, je l'ignore, mademoiselle. Ce n'est pas vrai. Vous profitez de la situation, madame. C'est vous qui vouliez me voir. Maintenant, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même si l'accueil que je vous réserve vous froisse. Mesurez vos paroles, je vous prie. Je ne suis pas venue pour vous combattre avec de telles armes. Mais peu importe les armes que vous vous proposez d'utiliser, l'essentiel pour moi, c'est que vous êtes quand même venue pour me combattre. Figurez-vous que je vous croyais douce, charitable, beaucoup plus intelligente en un sens. Vous m'avez mal comprise, madame. Je ne suis pas venue chez vous pour vous offenser, je suis venue chez vous pour... Peu importe pourquoi je suis venue, mais vous avez tout gâché, c'est tant pis pour vous. Je vous parlerai donc sans embâge. Oh, que c'est drôle. Une jeune fille pure et noble veut tout à coup parler sans embâge. Mais parlez comme vous voudrez, grossièrement si le cœur vous en dit. Seulement ne cherchez pas à biaiser. Je ne vous le permettrai pas. C'est parfait, j'irai droit au but. Sachez, madame, que j'ai plaint Léon Nikolaïevitch le jour même où j'ai fait sa connaissance. Je l'ai plaint encore davantage lorsque j'ai appris ce qui s'était passé chez vous. Le soir où Monsieur Rogojine est venu vous chercher, son paquet d'argent à la main. Ah. Cela vous a porté ombrage que le prince Michkine ait demandé ma main. Que c'est bête, gentille demoiselle. Le prince Michkine s'est offert à m'épouser dans un moment d'égarement. Un prince n'épouse pas la maîtresse d'un Totski, voyons. D'ailleurs, j'ai décliné la proposition de Léon Nikolaïevitch. Alors pourquoi cette haine à mon endroit? Je ne vous reproche pas d'avoir été demandé en mariage par le prince Michkine, allons. Vous le savez bien. Je vous reproche de l'avoir fait souffrir. Ah, vous avez raison. Notre vie en commun à Moscou a été un enfer pour lui. À ma décharge, je vous dirai que je ne l'ai pas fait souffrir intentionnellement. C'est possible. Mais mon principal grief, c'est que vous n'avez pas su aimer le prince comme il mérite de l'être. Vous êtes égoïste jusqu'au bout des ongles. Et les lettres que vous m'avez adressées en sont la meilleure preuve. Vous ne pouvez aimer que votre propre déshonneur. Si vous n'aviez pas été déshonorée et outragée, vous auriez été encore plus malheureuse. Oh là, vous avez encore raison, mademoiselle. Les souvenirs de ma déchéance me servent de stimulant. Mais je vous ai interrompu, pardonnez-moi. Et poursuivez, s'il vous plaît. Vous souvenez-vous que le prince m'a écrit de Moscou? Il m'a dit que vous étiez au courant et aviez même lu cette lettre. Oui, j'ai lu cette lettre. Il vous y disait qu'il vivait dans les ténèbres. Mais pourquoi évoquez-vous cette lettre? Tout cela est du passé. J'ai rendu la vie impossible au prince lors de notre cohabitation à Moscou, c'est entendu. Mais son martyre n'a duré qu'un mois. Prise de remords, je me suis enfuie. Cela doit vous suffire. Non? Alors je vous dirai... Non, ne dites plus rien. Cette fois, vous mentiriez. C'était L'Idiot, un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Michkine, Marcel Bozufi, Parfait Rogojine, Ginette Taffin, Aglaé, René Ferral, Hippolyte et Sylvia Montfort, Nastassia Philipovna. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.